Épilogue. À Dinard, beaucoup de monde attendent le départ du bateau de Saint-Malo. Des Anglais, des gens du pays, surtout des Parisiens, et parmi ces derniers, un jeune homme que connaissait Emmanuel. Il était avec sa sœur, sa mère et quelques amis, allant au Mont-Saint-Michel, et de là probablement à Granville et à Jersey. « Et vous, où allez-vous »« Je rentre. »« Vous devriez rester avec nous. » La mère insista, les amis aussi. Quand ils eurent appris que le nouveau venu était M. Touvenin, le peintre dont la réputation s'était affirmée si rapidement. Ne trouvant pas d'excuses polies, Emmanuel se laissa entraîner. Avant de quitter le bateau, il jeta un dernier regard sur la côte qu'il avait tant de fois parcourue et sur les îlots qui parsèment la mer depuis Ago jusqu'à Sésambre et au Grand Bay. Sésambre où, toute petite, elle allait ramasser des coquillages, le grand bec qu'il s'était si souvent amusé à gagner à pied sec. Il se souvenait aussi d'être allé au Mont-Saint-Michel avec Yves et sa fille. Yves ne les avait pas accompagnés, ils étaient montés seuls, Jacquette et lui. Il la revoyait, gravissant le sombre escalier de pierre qui s'ouvre entre les deux tours à l'entrée de l'abbaye. Il l'entendait questionner avec des curiosités d'enfant et s'extasier dans la salle des chevaliers, dans l'église, sur la terrasse de la Mirande, surtout dans le cloître. Il se rappelait que, debout devant la grande baie d'où l'on voit l'îlot de Tombelaine, il lui avait dit « Comme il ferait bon vivre là !» Elle avait secoué la tête, affirmant que ce serait bon pour des loups ou des ours, mais non pour des êtres humains. Elle avait même ajouté d'un ton sentencieux qu'il était mauvais pour l'homme de s'isoler de ses semblables. Il avait été très choqué de ces paroles, sans s'expliquer pourquoi. Maintenant, il comprenait. Il fut tiré de sa rêverie par une question qu'on lui posa. Il répondit le moins maussadement qu'il put et le fit en homme instruit. De ce moment, il fut tacitement accepté pour cicérone et dut, quelque ennui qu'il en ressentit, se mêler à la conversation qui s'animait depuis que les touristes étaient empilés dans l'omnibus allant de la gare de Pont-Orson au Mont-Saint-Michel. C'était à qui se récrierait sur cette manière banale de gagner la vieille cité, jadis inaccessible à marée haute. « Le pittoresque s'en va, tout s'en va !» gémissait plaisamment l'ami d'Emmanuel. « Plus moyen de courir le risque de s'enliser dans les sables mouvants » ou d'être poursuivi par la mer plus rapide qu'un cheval lancé au galop. Les dames se plaignaient de perdre une illusion, de passer platement en omnibus par les plus hautes marées, la Bavole, la première des trois portes qui défendent l'entrée de la ville. Et puis, c'était question sur question. À quelle époque avait-on eu l'idée de s'installer sur ce roc battu des flots, et comment et pourquoi? Et M. Touvenin doit le savoir, et M. Touvenin va nous le dire. M. Touvenin, qui commençait à prendre plaisir à ce joli caquetage de femme du monde, leur apprenait complaisamment ce qu'elle désirait savoir. Vraiment, il avait bien profité sous la direction de Siegfried. Il avait presque autant d'érudition que son ancien précepteur. Ainsi, il savait qu'avant le 8e siècle de notre ère, le Mont-Saint-Michel servait d'asile à des druides, à moins que ce ne fût une sépulture consacrée, ainsi que semblerait l'indiquer son ancien nom, Montumba. Il n'y avait que deux personnes au monde pour parler aussi bien qu'Emmanuel de ce qui concerne le Mont-Saint-Michel, Siegfried et M. Johann. C'était à quoi le jeune homme pensait tout en racontant la fondation du monastère au 8e siècle, les miracles de Saint-Aubert, son fondateur, les attaques des Normands et des Neustriens qui obligèrent à construire les fortifications. Il souriait tristement, se demandant où était alors Siegfried, ce qu'il faisait, s'il ne courait pas quelque danger. Cependant, l'absence céda bientôt la place aux infatigables questionneuses. Le reste de l'histoire dut suivre. L'incendie allumé par Guy de Thouars, qui assiégeait le monastère au nom de Philippe Auguste, le roi payant les dégâts avec tant de générosité que ses libéralités avaient permis d'édifier la merveille, la grandeur de l'abbaye au temps de Robert de Torigny, la fondation de l'ordre de Saint-Michel par Louis XI. Enfin, la décadence de cet ordre devenu collier à toute bête, ainsi que celle de l'abbaye elle-même, et les bénédictins corrompus par le bien-être, remplacés par des religieux de la congrégation de Saint-Maur. Le reste, c'est-à-dire la transformation du couvent en prison centrale après la Révolution, le déménagement de la prison et la remise de l'abbaye à la Commission des monuments historiques, en 1874, fut raconté par le gardien qui conduisit les touristes à travers l'édifice. On passa successivement de l'un à l'autre des deux bâtiments juxtaposés qui composent la merveille. On vit à l'étage inférieur l'aumônerie et le cellier, à l'étage intermédiaire le réfectoire et la salle des chevaliers, à l'étage supérieur le cloître, un bijou avec ses 220 colonnettes roses à chapiteaux de stuc et de granitel, la riche décoration de ses murs latéraux. Les fenêtres regardent la mer du côté du couchant, elle s'ouvre à plus de 100 mètres au-dessus des flots. On vit ensuite l'église, d'où l'on passa par le portail latéral, sur la terrasse qu'on appelle la Mirande. Beauregard et aussi Saugautier, parce qu'un fou de ce nom s'en précipita par trois fois. On descendit dans la crypte des gros piliers et dans les souterrains où le gardien ouvrit successivement la porte du cachot de Barbès et de celui de Blanqui. Des cachots qui ne disent pas trop de bien de la civilisation à l'époque du pacifique Louis-Philippe, fit remarquer un des visiteurs qui avait dû ôter son chapeau pour y entrer. « De vrais cachots !» fit une dame avec un petit frisson. « J'aurais cru qu'ils remontaient au temps de la cage en bois dans laquelle je ne sais plus qui périt mangé par les rats. » C'était le gastrier du bourg. Il avait osé écrire contre Louis XIV. C'était un vilain souvenir pour la monarchie. Louis-Philippe fit démolir la cage. L'impression pénible causée par les cachots et le souvenir de Dubourg fut encore augmentée par la grande roue de bois dans laquelle les prisonniers de la maison centrale étaient forcés de marcher à tour de rôle pour élever leurs provisions. On remonta en silence. En repassant devant la grande baie d'où l'on voit Tombelaine, Emmanuel s'arrêta. Il resta un moment plongé dans la contemplation du rocher désert et avec un soupir, il répéta l'ancienne phrase « Comme il ferait bon vivre là ». Une main se posa timidement sur son bras. Il se retourna. Près de lui était la jeune sœur de son ami. « Vous avez donc beaucoup souffert ?» Il ne sut que répondre. Seulement, il compara cette interrogation presque tendre avec la réponse de Jacquette, remarquant combien la vie dans un monde plus lettré, ouvert à plus de sensations, affine l'esprit. Jacquette avait certes plus d'affection pour lui que cette jeune fille, et pourtant cette dernière avait compris sa pensée. Si Madame Le Gall avait été près de son petit garçon, elle aurait bien sûr souri, certaine qu'il ne s'abandonnerait pas longtemps au désespoir. Elle en aurait eu de plus en plus la certitude si elle avait suivi les promeneurs le long de l'unique rue de la ville et dans la barque qui leur fit faire le tour du rocher. Il en fallut plusieurs, mais celle qui aurait intéressé Madame Le Gall portait seulement trois personnes en plus du batelier, Emmanuel, son ami, et la jeune fille qui avait si bien compris ce qui renfermait le désir d'isolement du jeune artiste. Très gaise aussi le déjeuner du lendemain, car on avait tenu à déguster l'omelette de Madame Poulard et la route jusqu'à Dole. Que de charmants babillages pendant la course, non dans les rues, mais dans la rue de la ville et la visite de la cathédrale. Ceux qui auraient vu Emmanuel devant la maison des plaides, expliquant que les arrêts étaient jadis signifiés au peuple des trois baies dont la façade est percée, et dans la cathédrale faisant remarquer l'élévation de la nef, si haute qu'elle en paraît étroite, et le triforium, et le clair-étage, et la légèreté des piliers formés d'une grosse colonne et de quatre colonnes plus petites, dont deux entièrement isolées, qui l'aurait vu, disons-nous, ne l'aurait jamais soupçonné d'une autre préoccupation que celle d'être agréable à la petite demoiselle blonde qui l'écoutait avec tant d'attention. Cette jolie personne apprit aussi avec beaucoup d'intérêt qu'au 5e siècle, ou au 6e ou au 7e, une inondation qui submergea la forêt de Sissi forma les marais dont le mont Dol est entouré. Elle avait une manière de dire « c'est très intéressant » en penchant la tête un peu de côté qui rappelait Madame Thouvenin, mais elle ajoutait quelques mots aimables pour inviter à continuer. Emmanuel continua. Ayant nommé la forêt de Sissi, il était naturel qu'il indiquât les essences dont elle était plantée, en ajoutant qu'actuellement il n'y peut venir de chêne dans ce terrain et que les arbres y poussent isolés ou par petits bouquets, mais qu'ils ne forment jamais de forêt. « Ah vraiment ? » fit-elle. À 16 kilomètres au nord du Dol, sur la ligne de Rennes, invisible de la station, s'élève le village de Combourg, dont les maisons du XVIe siècle mirent leurs pignons dans un riant étang. C'était une sorte de pèlerinage littéraire qu'on venait faire à Combourg. On venait visiter le château dans lequel Chateaubriand habita pendant une partie de sa jeunesse. Les deux journées qu'Emmanuel avait passées avec les parents de son ami lui avaient paru fort agréables. Cependant, il refusa de retourner avec eux vers Granville. Il leur dit au revoir et revint à Paris. L'enfant a raison. Ces mots continuaient à le hanter, l'aidant, sans qu'il s'en aperçût, à diriger ses investigations à travers sa pensée. Il rencontrait assez souvent dans le monde les personnes avec qui il avait fait l'excursion du Mont-Saint-Michel. Malgré lui, il réunissait dans son souvenir Jacquette et la jeune fille à laquelle il avait répété comme il ferait bon vivre là. Et quand il comparait, toujours malgré lui, les deux réponses, il trouvait que cette petite Legale était loin d'avoir la tendresse de sa mère. Elle ne ressemblait qu'extérieurement à Jacquette. Comment s'était-il mépris à ce point de croire qu'il l'aimait autrement que comme la vivante image de sa mère ? Tout bien pesé, c'était de son souvenir d'enfance qu'il était épris. Probablement qu'il lui aurait fallu plus longtemps pour comprendre cela si la jeune fille blonde ne l'eût un peu aidé. Il avait tant de confiance en sa perspicacité qu'il la consulta un jour sur le présent qu'il était bien séant d'offrir à une jeune personne à l'occasion de son mariage. « Cela dépend, on donne ce qu'on veut, un bijou. » Il choisit deux bagues exactement pareilles, ornées d'une perle entre deux saphirs. Il fit graver sur les deux le même chiffre, un J. Il ne donna pourtant pas les deux à Jacquette. Non, la jeune fille blonde qui avait les airs de tête de Madame Thouvenin s'appelait Jeanne. »